Voilà. C'est compliqué. D'accord. Trouver les paroles. Je connais pas la vidéo. Enjoy the style. Alors. dièse mineur. La batterie là, parce que... merde, putain, j'arrive plus à arrêter la batterie. I stop the drum, sorry. Ça y est, j'ai arrêté. Merde. C'est ça les accords ou c'est... j'ai trouvé une tablature sur internet. Tu connais pas les pêches? au char, je sais pas comment tu fais pour suivre la batterie. Problème de latence. Bon, je préfère les C2C là. Je gère mieux. Décalé, c'est bizarre. Dans les décalés, quand on a fait.